L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Enfin, l'école est finie, mais oui, l'école est finie. Comme disait en son temps Lamis, là, dans les années 60. Soyez les bienvenus dans l'heure du loup, chers amis. Vous êtes sur Osmose Radio. Il est 18h passé de quelques minutes. Et c'est votre playlist hebdomadaire de rock et de new wave, un petit peu de métal, un petit peu d'électro et tout ce genre de choses. C'est sur votre web radio préférée. Et ce soir, donc 14 juillet, il y a aussi une émission parce qu'on craint des gains à Osmose Radio. On fait même pas, on grève pendant les jours fériés, si on a supposé qu'on puisse dire ça comme ça. Et pour ouvrir cette émission, c'était, vous l'aurez reconnu, Alice Cooper avec le morceau Schools Out qui était sorti en 1972 sur l'album du même nom. Et c'est un petit clin d'œil à nos chers bacheliers qui, lundi dernier, passer les oraux du bac pour ceux qui avaient loupé l'écrit, et on espère que ça s'est bien passé pour eux. Donc voilà, en ce qui les concerne, ces jeunes lycéens, l'école est bien terminée et c'est donc Schools Out. Alors on va continuer avec un rock'n'roll endiablé, avec un groupe qui s'inspire largement de Alice Cooper, mais un groupe plus contemporain, Turbo Negro, avec le titre Get It On. We'll be right back. Yeah. À l'instant, Turbo Negro avec le titre Get It On. C'était donc ce groupe de death punk, comme ils se définissent eux-mêmes, originaire de Norvège, et un groupe dont il sera question peu ou prou dans la du côté d'Avignon bientôt, puisque vous savez que ce groupe-là, Turbo Negro, a une organisation intéressante. C'est un groupe qui existe depuis la fin des années 80, donc qui s'inspire clairement de Alice Cooper, de groupes comme Kiss, encore des groupes de heavy metal dans ce genre-là, et qui ont une énergie en même temps très punk. C'est peut-être pour ça qu'ils se définissent comme death punk. Et ils ont une organisation au niveau de leurs fans qui est assez intéressante. Il y a différentes tribus, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des fan clubs, des street teams ou vraiment des tribus de guerriers, on va dire. En tout cas, toujours est-il qu'il y a des Turbo Jungen un petit peu partout. Alors ça a commencé en Allemagne, il y en a plusieurs en France, il y en a une notamment à Avignon qui organisera une soirée mix avec du rock and roll derrière les platines. Ce sera au Pub Z le 20 juillet. Donc voilà, si vous n'avez rien de prévu ce soir-là, allez vous faire plaisir. Ce sera derrière les halles au Pub Z et vous pouvez écouter donc le mix rock and roll de la Turbo Jungen Palais des Papes. Voilà, enfin on a commencé avec un Américain, on a fini avec des Norvégiens, mais ce soir on va quand même rester en France parce que c'est le 14 juillet. Et c'est quand même la célébration de la nation française, de la patrie et de la mère patrie. Et j'avais envie d'y faire un petit clin d'œil, évidemment en version rock'n'roll, vous l'aurez compris, dans l'heure du loup. Et ce soir donc, j'avais oublié de vous l'annoncer, j'étais pas sûr de faire la playlist ou quoi. Mais bon, toujours est-il que j'avais assez de matière. Et donc je me suis décidé à vous ramener des groupes de rock français ou des groupes de rock dont il est question, qui abordent des thèmes franco-français, on va dire. Je vous garde la surprise pour la suite de la playlist et on va commencer tout de suite avec un morceau que vous connaissez forcément, Noir Désir, avec le titre Un jour en France. Au bistrot, comme toujours, il y a les beaux discours. Au poteau, les pourris, les corrompus aussi. Dans Blanche et Carina. Chacun devient de la rue, la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. Se rappelle de la France, des réminiscences de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord. Blanc, rouge, allez à fond, bleu. désespoir bleu rouge, vers de l'eau destinée, et comme un fleuve rouge, prêt à tout submerger. Je suis prêt à être monté, je suis prêt. Je suis prêt à être monté, je suis prêt. Nous sommes indépendants par la force de l'esprit. Nos ambitions de puissance font trembler nos ennemis. La patrie du génie a pour capitale Paris. Et aucune loi n'oubliera notre histoire. Je suis prêt à être mandé, je suis prêt. Je suis prêt à être mandé, je suis prêt. Comintern Sect avec le titre France, et c'est enchaîné juste avant avec Noir Désir et le titre Un jour en France. C'est un extrait de l'album 666-667 Club qui était sorti au mi-temps des années 90, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, petite actualité à propos de, enfin, anciennement Noir Désir, son ancien chanteur Bertrand Cantat qui sera en concert avec son nouveau projet musical Détroit au Cargo de Nuit. Ce sera la semaine prochaine, j'ai plus la date exacte, mais quand je la retrouverai, je vous la mettrai sur le Facebook de L'Heure du Loup, facebook.com/L'Heure du Loup, tout attaché. Et vous pouvez nous retrouver, me retrouver là aussi sur internet, et notamment sur Facebook. Et bien entendu, vous pouvez retrouver les podcasts sur le site de osmoseradio.fr, sur lequel mon technicien préféré met les podcasts régulièrement à jour. Merci Abel. On continue avec cette playlist consacrée à la France et consacrée à un aspect particulier de la scène rock française. C'était les années 80, les groupes de punk des années 80, dont on vient d'avoir un extrait avec Comintern Sect et ce titre France. Alors, Comintern Sect, un titre un petit peu, un nom de groupe un peu provocateur, vous l'aurez compris, hein, le Comintern, c'était cet organisme communiste qui visait à regrouper les régimes socialistes et à prendre le pouvoir dans les pays qui n'étaient pas encore sous un régime socialiste. Et en l'occurrence, là, c'était quand même un groupe de Oi, c'est-à-dire le Oi, c'est cette interjection qu'on entendait pendant les concerts parmi le public et qui finalement a donné le nom du style musical, donc ce punk assez radical, assez bourrin, assez crust, et qui a marqué donc cette période du début des années 80. Comintern Sect s'est créé en 1980 et n'a plus donné de nouvelles à partir de 86. Et c'était un groupe qui était quand même assez marqué à droite, hein, faut le reconnaître, parfois même extrême droite, dans son attitude, mais pas forcément dans son engagement. Je veux dire par là qu'on les a jamais retrouvés dans les bastons contre les Redskins, par exemple. Vous savez, c'est skinheads d'extrême gauche. Voilà, donc bon, cette dichotomie, cette violence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, notamment dans le mouvement punk et le mouvement skin, existait quasiment depuis l'origine, j'ai envie de dire, depuis les années 60. Elle a notamment existé en Grande-Bretagne, bien entendu, puisque c'est les berceaux de ces mouvements musicaux-là. Mais elle a aussi beaucoup existé en France, que ce soit à Paris, on a des vieux de la vieille qui peuvent nous en parler, comme le chanteur de Pigalle, notamment, hein, qui était auparavant dans Les Garçons Bouchers, qui en parle très bien dans les interviews. Et aussi à Avignon, il y a eu pas mal de bastons à l'époque. Je vous renvoie à quelques articles de presse qui avaient fait un petit buzz il y a quelques mois. Voilà, donc extrême droite, extrême gauche, un pays politique, un pays passionné, un pays, bah, le nôtre en l'occurrence, pour lequel je ne cache pas que j'ai de la sympathie, c'est la moindre des choses, j'en suis membre, mais c'est vrai que se définir comme patriote de nos jours, c'est considéré comme ringard. Se définir comme nationaliste, je trouve ça assez couillon. Se définir comme patriote, je trouve ça assez logique finalement, et je ne vous cache pas, à titre personnel, évidemment, cela n'engage que moi, que le patriotisme, moi je vois ça un petit peu, j'aime bien la définition de De Gaulle pour résumer, qui disait que le patriotisme patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Voilà, en ce sens, les nationalistes de tout poil, de tout bord d'ailleurs, me font un petit peu peur, mais les patriotes, je les apprécie, pourvu qu'ils ne galvaudent pas ou ne tirent pas vers le bas cette notion-là, bien entendu. J'ai en tête à l'esprit quelques personnalités médiatiques qui ne sont pas du meilleur goût, n'est-ce pas les fans de Dieudonné? Mais sinon, voilà quoi, le patriotisme pour moi c'est quelque chose qui a du sens, quelque chose auquel on se doit de faire honneur en tant que citoyen, et je m'engage, très modestement, je m'engage à le faire dans cette playlist ce soir, avec des groupes donc de punk des années 80, on va en écouter un autre qui lui était plus sombre, qui allait vers quelque chose de plus tout aussi anarchiste mais plus nihiliste, c'était le groupe Paris Violence, qui dans les années 90 soulignait un petit peu on a un pays qui peut être très très beau mais qui peut être aussi très très glauque. C'est le cas de certains quartiers de nos belles cités, notamment le coin de Tolbiac à Paris, dont il est question dans la chanson qu'on va écouter tout de suite, Paris Violence, avec le titre Tolbiac. Scarlatina Obsessiva, c'est jamais que la troisième émission je vous ramène ce groupe avec le titre Guillotine, et c'est enchaîné juste avant avec Paris Violence et le titre Tolbiac, du punk un peu nihiliste, un peu sombre des années 90. C'est marrant parce que Tolbiac c'est un peu un truc avant de désigner un quartier un peu glauque, encore hein, le 13e arrondissement c'est pas les endroits les plus glauques de Paris. Tolbiac avant de désigner un endroit un peu glauque de la ville lumière, et bien c'était surtout une bataille de Clovis, c'est un moment un peu fondateur pour la France en fait, puisque c'est à l'issue de cette bataille que Clovis finalement en mettant une branlée aux Alamans a constitué un petit peu ce qu'allait devenir le royaume de France. Il s'est converti au catholicisme qui était la religion de son épouse, au christianisme dans la foulée parce qu'il a vu une illumination pendant la bataille, enfin bref un truc de fou, il a vu du fumer un peu trop, et voilà. Donc si vous êtes férus d'histoire vous connaissez peut-être ces détails là il y a deux grandes dates dans l'histoire de France, la fête de la fédération organisée par Robespierre en 1791 et la bataille de Tolbiac où Clovis a mis une branlée aux autres tribus barbares et a constitué ce qui allait devenir un peu le pays dans lequel on vit. Je peux pas m'empêcher de me demander comment serait la situation contemporaine, comment serait le monde d'aujourd'hui si le passé avait été différent. Et des fois, je me pose ce genre de questions-là. Je me pose beaucoup trop de questions, je vous l'accorde. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, la radio où les animateurs se prennent la tête, mais où ils espèrent qu'ils prennent pas trop la tête aux auditeurs. Vous êtes bien dans l'heure du loup. On écoutait à l'instant deux morceaux enchaînés, donc Paris Violence avec le titre Tolbiac, sur lequel je dissertais à l'instant, et Scarlatina Obsessiva avec le titre Guillotine. Un extrait de l'album Endémique dont je vous ai déjà parlé, passé deux extraits dans les émissions précédentes. C'est un groupe de Bad Cave, donc un groupe une mouvance punk on va dire, qui est originaire du Brésil, et je vous en ai déjà passé dans les deux émissions précédentes, et j'aimais bien ce morceau là parce que Guillotine ça nous renvoie là encore à l'histoire. En France on aime bien guillotiner hein, que ce soit la reine et le roi, que ce soit les militants FLN ou bien que ce soit nos bandits genre la bande Bono, tout ça. En France jusqu'à une période récente on aimait bien guillotiner, c'était marrant. Mais bon, on va trouver d'autres manières de perdre la tête, chers amis. Hein. En l'occurrence, ce sera au sens figuré avec ben, tout le folklore du 14 juillet qui a lieu aujourd'hui. Et pour le cas auquel je consacre cette émission un petit peu spéciale, cette playlist en clin d'œil à tout ce qui est 14 juillet, France, patin, couffin, etc. Et donc, évidemment, ben, on a le feu d'artifice. On a aussi le défilé militaire avec tous nos petits soldats qui marchent sur les Champs-Élysées. Eux, ça les occupe, ça distrait certaines personnes. Et puis, de toute manière, quand ça chie, on est quand même bien content qu'ils soient là. Donc, je vous propose, pour illustrer ceci, un extrait d'un morceau de Joy Division avec le titre « They Walked in Line ». Dans une ambiance répétitive. dans une ambiance répétitive. Ambiance répétitive, dans une ambiance répétitive. Ambiance répétitive, dans une ambiance répétitive. Ambiance répétitive, dans une ambiance répétitive. Ambiance répétitive, dans une ambiance répétitive. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Oui, mon général, calmez-vous, prenez vos pilules, voilà, ça va bien se passer. À l'instant, c'était Charles de Gaulle, le personnage historique, avec une allocution de un extrait, disons, de son discours du 22 juin 1940, qu'il avait enregistré après le fameux appel du 18 juin. Et avant, juste avant, c'était le groupe Charles de Gaulle, mais qui s'orthographie différemment, Charles en français et Gaulle en anglais. Et Charles de Gaulle, c'était avec le morceau Ambiance répétitive. Le morceau était répétitif pour illustrer un peu une ambiance répétitive, celle qu'on vit chaque année au 14 juillet, où il y a sans jamais d'exception, le feu d'artifice, le défilé militaire, les flonflons, les balles, etc. Bon, vous me direz, c'est normal, ça fait partie du folklore et je vais certainement pas m'en plaindre. Et c'était enchaîné juste avant avec Joy Division et le morceau They Walked in Line, ils marchent en ligne, ben justement, puisque je parlais de défilé militaire. Voilà. Je vous disais, le folklore, c'est chaque année la même chose, alors à moins que la météo s'en mêle, évidemment, il y a toujours le feu d'artifice, les flonflons, le bal, etc. Et bien justement, je vous propose d'écouter un hommage, entre guillemets, qui fait peu ou prou le groupe belge Vive la Fête avec le titre Hot Shot. Oh,

Fête triste par le groupe Trisomie 21. C'était enchaîné juste avant avec Opéra Multistyle et un extrait de l'album Histoire de France, Moi, je m'ennuie. On arrive à la fin de cette émission. Voilà, c'était ma playlist consacrée au 14 juillet, consacrée à la musique française, même s'il y avait des groupes qui étaient absolument pas français. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée de 14 juillet, que vous la passiez dans les baloches, devant le feu d'artifice, ou alors avec les copains au bistrot, peu importe, amusez-vous. Et pour conclure, eh bien, j'avais envie de faire un petit clin d'œil aux hymnes. Aux hymnes nationaux, etc. Alors j'ai bien conscience que c'est souvent de la musique militaire, j'ai bien conscience que c'est extrêmement ringard, ne serait-ce que sur le concept, mais en même temps, comme beaucoup d'hymnes, le chant du départ, la Marseillaise, l'international, patin couffin, tout ça, si vous prenez le temps de les écouter, vous apercevez que derrière les paroles guerrières complètement débiles, il y a souvent une jolie mélodie. Et Django Reinhardt, on parle souvent des Roms en ce moment, ben un gitan qui faisait de la bonne musique, c'était Django Reinhardt, avec son collègue Stéphane Grappelli, a su faire ça, a su écouter la Marseillaise et en faire une très belle interprétation. Ça a donné Echoes of France et ça a fait des belles heures du jazz des années 30. Je vous propose de conclure avec ça, chers amis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera peut-être sous le signe du théâtre, peut-être pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée sur Osmosado. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Thank you.